Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, après Le cœur des hommes, le nouveau film de Marc Exposito. Victor est le patron d'un magazine automobile. Un jour, il va parler de son travail dans une prison. Il y rencontre un ancien braqueur, Bruno, fan de son magazine, qui lui demande de l'embaucher. Victor accepte, une amitié naît entre les deux hommes. C'est votre première visite dans une maison d'arrêt. Je vous présente Monsieur Victor Galien, directeur et fondateur d'Automagazine. C'est vraiment gentil à vous d'être venu. Merci beaucoup. Cher Victor, comme vous, les autos, c'est ma passion. Si vous m'engagez, j'obtiendrai le régime de semi-liberté. Donnez-moi ma chance. Ben c'est quoi le risque? C'est un voleur de bagnole, c'est pas Ivan Lecter. Il y a un type qui me demande un service qui me coûte pas grand-chose et qui m'explique que si je lui dis oui, ça change sa vie. Alors si je lui dis non, je vais avoir une merde. Ça marche alors? Ouais, super. C'est un beau jour. Ouais. Un gangster qui se reconvertit en maquettiste. Moi, je veux bien, mais bon. Non, mais c'est un vrai conte de fées, cette histoire. Hein. J'arrive pas à m'énerver contre lui. Ça s'appelle un chouchou. Oh, ça va, toi, du drôle. Victor m'a beaucoup parlé de vous. En bien. Elle est bien, ta femme? Oui, je suis assez content. Joyeux anniversaire. Merci, mon pote. Okay. Tu sais que c'est un rêve de môme. Mon pote, un film de Marc Exposito avec Édouard Baird et Benoît Magimel, un DVD TF1 Vidéo.